expert, le respect espère. Regarde les comptes, regarde on est combien comptes. Dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de con. Tu vas mettre de l'ordre dans tout ce foutoir organisé. Trop de gens se confondent, foule se confondent nos ascendants. C'est du sang dans cette danse, nous est la masse intoxiquée. Mélanie des perfidies, torsité, des castes bénies. Énième FNI et du haineux, ça joue le mafieux. Ma foi, c'est peut-être qu'il n'y a plus rien à dire. La tox s'attire, la pop s'attire. On ne cause que de sexe et de tir quand sur des gosses s'attire. À croire que le monde part en couille. Et si le respect se perd comme des doux ils disent. Donc on va expertiser le sinistre. On dit que le ciel est la limite. Moi je dis y'a pas de limite. Jusqu'à la moite mimique. Même plus loin les jeunes frères timides. Comment montrer l'exemple quand les règles sont dures à suivre. Pour rester dans la course faut plus de souffle qu'une section cuivre. Comme dit l'expert, le respect espère. J'espère que ce mal en pis va ralentir. Mais comment vu le profit que le mal en tire. C'est pas une mince affaire. Faut tous y mettre du sien. Parce que je suis pas un justicier mais juste un musicien entre autres. Regardez compte, on est combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de coloris. C'est plein de familia, c'est plein de mafia. Mais des cafilia, faut se méfier. Au pire des cachets déjà qui me fiaient. Trop d'affreux, dans le milieu se prennent pour des mafieux. C'est la fond de Scarf et ils s'affrontent des cafons. Y'a de sorte leur mafieux. Ouais, tintin de ciné, or ce truc là ça vient pas de chez nous. Les fois Al Pacino, une patate, plus tard se renomme Al Pacico. Le respect se perd comme des coups de genoux. Je dis ça, ça passe comme un paix dans le vent à croire qu'on ne m'écoute jamais. Faut-il qu'un frère protège mon dos dès que j'emmène ma fille. C'est ce que je me demande quand les frères s'improvisent. Ma fille. Si tu veux sauver ton âme, bats-toi pour la cause à nous. Mais si tu me piques pour l'argent, sache que bientôt la mort t'accorde. Cache pas ton feu sous ton teddy. Moi, ton frère, tu me contredis. Écoute ce qu'on te dit dans la gadance, pas un contredis. Car la rue n'est pas un jeu, choisis ton camp et ne te trompe pas. Le combat est périlleux, mais qu'on soit nos propres compas. Sache qu'on se bat pour les causes de la gade et nos remparts. Et si la mort vient précoce, la gade meurt mais ne se rend pas. Regardez compte, on est combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. Plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de Colombie. Où sont les hommes quand les méfaits du temps font qu'on se demande qui est qui. On travaille pour les hommes et puis on met pourquoi pour qui. Ton esprit rebelle refuse-t-il le serment. Garçon grandissant dans une carapace d'être mi-ange mi-démon. Capable de dévaster région après région. Quand John et les siens les bras une poignée d'hommes en légion. Mais qu'est-ce qui reste dans la tête de nos jeunes à part le stress et le test qui fait pour pas grand chose ici les types se disent. Les mafieux, les jeunes fiers de leur fief règlent à l'arme à feu sans se rendre compte que dans une grosse merde ils sont enfoncés. Contre bandier ou bandit de grand chemin, ça fait bander. Gun brandit, mais c'est une vie de plus qu'on laisse incendier. Les années pèsent, la tôle apaise, les esprits posent, déposent un bilan désastreux. La seule excuse c'est toujours à cause. La réflexion pousse certains au retour à la morale. Et quoi encore, c'est la perpétuité dans la douce immorale. Ouais ouais c'est ça, le respect se perd. Et certains frères n'ont plus de repères. Mais garde l'espoir, car y'a rien qui ne se répare. Regardez compte, on est combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de coloris. Regardez compte, on est combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de coloris. Regardez compte, on est combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de coloris. Regardez compte, regardez combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères de coloris. Regardez compte, regardez combien dans les rues et combien dans les rangs. On fait des conneries, des trucs pas cohérents. On pleure plus qu'on ne rit. Je te demande d'être tolérant même quand tu comprends pas ce que font les frères.